serré contre moi. Être sûr que tu es bien là. Je regarde autour de moi. Je vois des cris, des pleurs, des haines qui se révèlent. Alors, rassure-moi. Dis-moi ces vérités qu'on a aimé entendre. On s'y était habitué. Mais j'ai peur tout à coup d'avoir raté mon tour. Quel secret tu ne partages plus? Quel geste captivant tu n'as pas repoussé? Quelles étreintes tu as imaginées? Je regarde nos vies et puis... Et puis rien de plus. Pas de cheveux sur ton épaule. Pas de parfum inconnu. Je crée une illusion et je te donne le mauvais rôle. Mais j'ai vu tant d'amour qui ont voulu nous laisser croire qu'elles étaient sans histoire, que tout allait sur du velours. Quel secret tu ne partages plus? Quel geste captivant tu n'as pas repoussé? Quelles étreintes tu as imaginées? Je regarde nos vies et puis je cherche l'infamie. Je piège nos conversations. À la moindre hésitation, je jouerai les hommes trahis. Je décèle des indices. Je compte la monnaie. J'écoute battre ton cœur. Mon enfer commence là où finit ta tolérance. Te serrer contre moi. Pardonnes-tu mes obsessions? C'était ce tourbillon. Il aurait pu nous prendre entre ses doigts. Étions-nous mieux ancrés? Combien de victimes aura-t-il fait? Nous avons résisté. Mais je redoute une prochaine fois. Quel secret tu ne partages plus? Quel geste captivant tu n'as pas repoussé? Quelles étreintes tu as imaginées? Je regarde nos vies et puis mon enfer commence là où finit ta tolérance.